Alors, donc, Kirby est très étonné. Il sait pas à quoi sert cette porte. Mais en fait, c'est la porte de sortie et la même au fin du niveau.